Yep. That is me, damn like you know. Yo, condas. Oh, oh. En avant, non, monsieur. Garçon, pas chita, la taille. La pluie avait tombé. Tout paraît sacré et planté. En avant, non, monsieur. Garçon, pas chita, la taille. La pluie avait tombé. Tout paraît sacré et planté. Oh. Dans le timon la caillou non. Yo condense. Oh oh. Le nom qui n'est colté. Le timon yo tombe dansé. Yo parle du manger. Reste un pot de l'eau mâché. Le nom qui n'est colté. Le timon yo tombe dansé. Yo parle du manger. Reste un pot de l'eau mâché. N'a planté patate. N'a planté maïs. N'a planté du riban. N'a manioca pour un Congo. N'a planté patate, n'a planté maïs, n'a planté du riban, n'a manioca pour un Congo. Voyez-vous nous parler danser. N'a planté maïs, n'a planté patate. Tout le monde n'a pas les mains. Et manger n'a pas les bananes. Tout le monde n'a pas les mains. N'a planté maïs, n'a planté patate. Tout le monde n'a pas les mains. Que pour un Congo qui m'a son belle. Tout le monde n'a pas les mains. En vérité, nous parler travailler. Oui, la pluie tombe, la main s'acclée. Nous ne devons pas rester, mais faut la travailler. Et que pour un Congo qui m'a son belle. Madame la caillonne, yo condense. Préparez pour la caille, monsieur, dame.